Hello. En plus, là, tu ouvres les hostilités, Jamo. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va. Bon, bah, c'est bien. Ouais, c'est la douce voix de Jamie qui est de retour. Qui vous accueille dans Pion Gangsta Rockers numéro 422. Deux? Oui, deux. Ouais, ouais, deux. Bravo. Et puis il y a aussi Célia. Hello. Oui. Et puis il y a Mézig, Stéphane. Ce soir, bah, vous connaissez l'actualité qui est actuelle. On va pas s'étendre là-dessus. Si, on va le faire quand même. En passant à un truc qui est dit beaucoup mieux que ce que moi, en tout cas, je pourrais dire. Et ben, bah, on va le lancer tout de suite. C'est par rapport à cette histoire de deux minutes de silence. La honte de la France. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on a fait une minute de silence pour un néo-fasciste, alors qu'on aurait dû être plus bruyant que jamais. Et pendant qu'on était occupé à y céder à la dérive fascisante du pays, des nouvelles images de ce qui s'est passé le jour de la mort de Quentin nous parvenaient. Le Canard Enchaîné publiait une vidéo qui expliquait enfin pourquoi, quand Némésis s'est fait secouer, ses gardes du corps bénévoles et non-violents n'ont pas bougé une oreille. On pouvait les voir à distance des lieux, habillés tout en noir et armés de parapluies, de casques de moto et de gazeuses, s'attaquer à des antifas désarmés et pas franchement sapés pour le combat. Des enfants de cœur qui étaient préparés, équipés. En surnombre, le récit médiatique vient de prendre un sacré coup dans les guibolles. Ces nostalgiques des chambres à gaz attendaient pas gentiment un peu plus loin pour intervenir en cas de soucis, comme l'a prétendu Cordier, chef de file de Némésis. Ils étaient en train de chasser. Si aujourd'hui c'est pas le cadavre d'un antifa qu'on a sur les bras, c'est uniquement parce que ces chasseurs ont pris une branlée. Cadavre d'un antifa ou d'un handicapé, d'une femme, d'un arabe, d'une personne LGBT ou de qui que ce soit qui a le malheur d'être une cible potentielle pour ces tordus bouffés par la haine. Aujourd'hui en France, on a fait une minute de silence pour un ratonneur. Et crois-moi bien que ça aurait pas été le cas pour sa victime s'il y avait eu personne pour l'arrêter. Parce que des victimes, il y en a déjà. Elles sont pas rares, en fait. Ce qu'il laisse, c'est l'intérêt que les médias daignent leur porter. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te demander comment c'était possible que tant de gens aient collaboré avec l'occupant génocidaire pendant la Seconde Guerre mondiale? Eh bah, observe bien comme personne n'a été foutu d'ouvrir sa gueule quand on rendait hommage à leurs héritiers. Tu comprendras aisément qu'il n'y a rien à conjuguer au passé. Aujourd'hui, alors que la seule et unique chose qu'on devrait faire face à la pression médiatique qui accompagne le grand retour de la peste brune, c'est d'ouvrir notre grande gueule, on a réussi à faire une putain de minute de silence pour un mec qui s'est fait fumer en essayant d'en fumer d'autres. Alors un mec qui aurait pas dû mourir, évidemment, qui s'est fait manipuler, et c'est dramatique d'en arriver là. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Quand les futures générations te demanderont c'est quand exactement qu'on a lâché la corde et qu'on s'est laissé tomber du côté de la haine, parle-leur de ce jour, ou plutôt que de se péter la voix, on a fait une minute de silence en la regardant s'installer sur le trône. C'était aujourd'hui, et comme à l'époque, ça s'est fait sans un bruit. Hey! But we're always anti-fascist. We're sometimes anti-social. But we're always anti-fascist. We're anti-social, anti-fascist. Anti-social, anti-fascist. Anti-social, anti-fascist. Anti-social, anti-fascist. Boom, Stage Bottles en live, je sais pas trop où, sometimes antisocial but always antifasciste. Je sais qu'il y en a qui écoutent beaucoup Radio Campus et qui ont déjà entendu ce titre-là, mais en studio, lundi dernier, dans l'émission de Milky, rien a encore changé. Et bah, moi c'est pas grave, j'ai passé un live. Et puis, juste avant, c'était Ashton, son truc qu'il a sorti sur la minute de silence, de la honte, c'est un truc qui date de hier, vous cherchez H-T-O-N-E pour les gens qui connaissent pas, et puis il sort... un ou deux baratins très très bien ficelés, toujours, ouais. par jour, sur l'actualité. Et lui, c'est un vrai antifa, quoi. Et là, on entend bien qu'il est très très énervé par cette histoire. Tu m'étonnes. Il n'est pas le seul, n'est-ce pas? Ouais. Moi, je vais commencer avec un peu de pub en retard. Je vais vous parler de Malva, qui est passé hier soir au CCL. C'est un trio de scrimo de Tours et Poitiers, composé de meufs et une personne non-binaire. Le groupe s'est formé il y a environ 2 ans. Ils ont enregistré 3 morceaux qu'on peut retrouver sur Bandcamp. Le groupe est féministe et défend la place des femmes et des minorités de genre sur la scène punk. Ils se sont longtemps sentis illégitimes à monter sur scène et faire de la musique. Et d'ailleurs, elles ont exporté le concept de « Salut les étiquettes ». Je ne sais pas si vous connaissez. Okay. C'est des ateliers d'initiation à la pratique musicale et du coup, ils en ont fait à Poitiers. Et qui, donne, et... qui donne la, enfin, la prééminence aux femmes et aux minorités de genre. C'est ça, ouais. Exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Et on va tout de suite écouter « Datura » de Malva. Masculine se nourrit de son contraire. Vous écoutez Campus 106,6 DAB, Canal 7C, et puis campuslille.com. Et voici le grand retour de Jamo qui n'était jamais venu dans le nouveau studio. T'as vu? Ouais, c'est vrai, j'avais pas connu les tapis rouges. Ah, t'as vu, hein, c'est bien. Ouais, c'est classe. Moi, je voulais vous présenter The Post-Punk Podge and the Techno Hippies. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi, Podge? Ma pote, justement, je cherche, je trouve. C'est de l'argot irlandais? Ouais, certainement. Ils viennent de Limerick. Ah bah, et c'est en featuring avec TPM. Mmh. Qui, je sais plus, c'est pas Limerick. Non. Ça doit être Dublin ou un truc. T'avais pas passé un truc de bah, si, j'avais passé un truc, mais je me souviens plus. L'an dernier. Ouais. On cherche dans les archives. Et le titre, c'est Hard Man. Ah oui, il en faut. Ouais. Mais qui savent tendre des embuscades, attention. Hein, ouais, ça, ouais, ouais. Bon, je ris, mais faut pas se moquer. Ouais. Allez, Post-Punk Podge. Ouais. And the Techno Hippies. Hey, ils sont forts, les mecs. Ouais, ouais. Techno Hippies. J'aurais pensé. C'est du post-punk à tendance dance floor, un peu. Ouais. Bon, déjà, alors qu'il n'y a que 8h13 minutes. Ouais. Allez. Bon, on y va. C'est eux qui disent ça. Yes. You're a hard man, this is what's going to happen to you. Because of post-punk punch and TPM, we are going to kill all the hard men. Then we will be the hard men. We're going to start with Dundalk and then we're going to move on to Limerick. And there's no hard men in Dublin, everyone knows that. Walking round town like a crazy maniac, out of the slammer. Modern John Wayne, don't let them tears fall out of your brain. Oh, all the boys do it, so I must do it too. If you don't do it, I will batter you. In the chip shops and nightclubs, yous always fight. Did your mammy never teach you how to be polite? Is your feeling left out? Are your guns too small? Do you find it hard sometimes to handle it all? You're only hard when your friends are around. You're only tough when your family's in town. You're only hard when your friends are around. You're only tough when your family's in town. But he's a hard man. Young fellas and get stiff as a rock. If you're a hard man and you're tick all the time, next time you're getting hard, just think of this rhyme. Being tough is not always the right way to be. Being soft sometimes is good for me. You're only hard when your friends are around. You're only tough when your family's in town. You're only hard when your friends are around. Yeah. Ouais, alors ça c'était, on répète, Post-Punk Podge and the Techno Hippies, et il y a une nouvelle que nous avons donnée. Bandcamp. Ouais. Bon, comme tout le monde. Et alors non. Enfin, je veux dire, c'est leur nom. Il est marqué dessus. Donc, faut dire, c'est Post-Punk Podge, P-O-D-G-E, and the Techno Hippies. Voilà, démerdez-vous avec ça. Ne faites pas de faute d'orthographe, sinon Bandcamp, il retourne rien. Ouais. Enfin, si, tu peux, pas des masques. Voilà. Vendredi, tiens, je fais une première annonce de concert, un concert qui a failli ne pas avoir lieu, mais grâce à la diligence de la griffe et de la moustache, eh bien, vous allez pouvoir voir la truc Astroïde et en première partie l'incroyable Larchoum. Voilà. La moustache, c'est 19 boulevard Lebas, juste à côté de l'entrée de machin à Saint-Saul. Voilà. Et puis après, d'après le monsieur de Astroïde, le mec qui vient crier dans les micros des fois, là. D'après lui, les gens qui bossent à la moustache, ils sont vachement contents d'avoir un concert punk. Parce que c'est plutôt. Mais il y avait. Il y a des concerts souvent là-bas? Ben non, c'est plutôt des DJ sets, des machins. Ok, ouais, il me semblait. C'est plutôt de l'électro et tout ça, quoi. Mais apparemment, les gens qui servent à la moustache, ils sont plutôt dans une veine metal punk et tout ça, donc ça, changement d'herbage, réjouissez-vous. Hein, ouais. Et donc vous allez avoir l'honneur et l'avantage d'entendre La Truc, où on retrouve entre autres Magali de La Fraction avec sa super voix. Mais je suis fan, et donc je vais pouvoir passer un titre de La Truc, c'est Felicita, encore un titre super court, il dure 4 minutes 02 dans Pyongyang Rockers numéro 422, La Truc. We'll be right back. Bah oui, alors j'ai oublié de dire un truc, heureusement t'es là, Célia. C'est que la deuxième chanteuse de la truc, elle est dans Julie Colère. C'est ça. Boulot. Ah. Bon, c'est tout. Et ben moi je vais passer un morceau qui est vachement plus court que ce qu'on a déjà passé. Ça décolle enfin. C'est ça. Alors, je sais pas comment ça se prononce, mais ça s'écrit SPRGRS. C'est un groupe de egg punk espagnol. Je l'ai vu passer dans la distro d'Artis Lapricorne, donc je suis allée écouter et ça m'a plu. Donc, j'ai décidé de passer un petit morceau. Tu n'as pas acheté la cassette ? Non, parce que je l'ai vu sur internet, mais je n'ai pas vu la distro. Ouais. Mais je pense que j'irai acheter la cassette. Bah, moi, la distro, je l'ai vue. Il l'a sorti le week-end dimanche, dernier. Ouais, c'est ça, dimanche. Ouais, mais j'ai pas vu. T'as pas vu cette cassette ? Bah, je sais pas, je l'ai vu passer sur bourré, internet. Vu que j'avais bu de la Jupi Zéro. La pochette, elle ressemble à. Pas à Descendant, mais ça fait un petit bonhomme vert sur un fond noir. Ouais, ça fait une espèce de doodle. C'est ça. Et donc, si mes sources sont bonnes, SPRGRS, ça vient de Esparagos, qui veut dire asperge. Bon, bien. J'ai vu ça, j'ai en tout cas, sur le label Paul Zé de la Mort, qui a sorti la cassette qui s'appelle EP3. C'est vraiment pas chier, hein. Tous ces groupes d'egg punk, là, ils ont toujours des numéros que de leurs démos, leurs disques. EP. Après, ils ont sorti un autre album l'année dernière, juste après. Et du coup, je vais passer le morceau « Estudiante de Oposición ». Charlie Oleg, c'était quoi ? Et ouais, le deuxième morceau, c'était Prison Affair, le morceau Cacho a Cacho, c'est aussi de l'egg punk espagnol qui vient de Barcelone. Jamon, on avait déjà passé ici, donc ça m'a fait penser à ça. T'es toujours vraiment bleeding edge là. C'est direct. Et alors là, qu'est-ce que tu vas nous mettre là ? La Drunken Skinhead by the Gassenhauer. C'est un groupe canadien. Un des premiers groupes skinhead canadiens. Oh, c'est pour ça que c'est marqué 1985 à la fin. Ouais. D'accord. Okay. Et c'est la reprise d'une célèbre chanson irlandaise de Drunken Sailor. Que tout le monde reconnaîtra. Ouais. Sur Pure Gangsta Rockers, numéro 422. 422, oui. Ouais. Bonjour à Gaël. Ok, c'est une revamped version de Drunken Sailor. Titled appropriately Drunken Skinhead. Bah voilà quoi, alors tout à l'heure avec les asperges j'avais faim. Ah non, pourquoi j'ai soif. Ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est fou quoi. Belloum, groupe basque, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé avec le groupe basque vu que Gaël il vient plus. Bah, si, j'en ai passé voilà. Un la dernière fois. Ah ouais, c'est vrai, putain, alors. Stéphane, tu dis n'importe quoi. C'était il y a deux semaines, mais c'est le coup où tu t'as dit à la semaine dernière, donc ah ouais, t'étais pas voilà, trop réveillé. J'en perds la tête. Et donc, ça fait deux semaines qu'on n'a pas passé de groupe basque, c'est incroyable. C'est mais faut bien dire quand même que quand Gaël il vient. Il y en a. Souvent. Ah, voilà. Voici donc Belloum qui signifie guerre, non pas en basque mais en latin. Et puis bah, ils viennent de. C'est quoi le nom du bled d'où ils viennent déjà? Je sais plus. Enfin là-bas quoi. C'est quoi c'est. Enfin bref, un bled pas loin de Donostia. Là-bas. Ouais. tu vois Donostia, enfin San Sébastien en espagnol. Et donc, en plus de regarder la mer et les flots bleus, bah, ils font du punk de ma foi assez bonne facture. Les voici donc nous parler de Rivière de Sang, Odolesco, Erelac, peut-être Erecac. C'est peut-être un truc, je sais pas, ils ont peut-être regardé l'actualité française. En tout cas, si vous, gens qui nous écoutez, ne voulez pas que ce pays se transforme en rivière de sang, vous savez ce qu'il faut de faire, c'est devenir ou rester antifasciste. Et puis faire attention aussi quand vous sortez. Là, par exemple, il y avait une manif ce soir antifa. Apparemment, il y a des faves qui tournent un peu partout, quoi. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur, enfin qui prennent peur de type un peu avec pas beaucoup de cheveux. Je suis désolé, hein. Moi, j'ai pas beaucoup de cheveux. Ouais. Mais moi, c'est la vieillesse. Mais donc quand même faites gaffe en sortant, surtout si vous êtes un petit peu si les faves peuvent vous prendre en grippe simplement pour votre apparence ou la couleur de votre peau, je voudrais pas qu'il vous arrive des histoires. En tout cas, voici Bellum avec Odolesco et Recac. Bah, c'était Bellum. Ouais, c'est un peu pop-punk quand même. C'est vrai, je dois le dire. Je vous écoute, Pyongyang City Rockers, c'est le numéro 422 qui se déroule sous vos oreilles ébahies. Et bah, il nous reste encore allez, 22 minutes, c'est à vous. Ah ouais, j'ai cru que ça me perturbe cette heure, pas à l'heure. Là. Je me suis dit, il ne reste plus qu'un quart d'heure. Mais... On va râler pour que ça soit mieux. C'est clair. moi, je vais passer du punk hardcore. Je suis allée faire un tour sur les dernières sorties YouTube de No Punk in Cat Town et je suis tombée sur Sled Bomb. C'est un groupe de punk hardcore d'Ohio qui s'est formé en 2015. C'est des Américains ? Oui. Comment ? Oui. Ils votent Trump ? Ben, je pense pas. J'espère. Hein. J'espère qu'il y en a qui votent Trump. Hein. Ah ouais. des non, bah là, clairement, sur leur réseau, il y a écrit Fuck Ice, donc je ne pense pas qu'ils votent Trump. Ou alors ils se sont aperçus un peu tard. On ne sait pas. Ça m'étonnerait quand même. Donc ils ont sorti leur troisième et dernière LP au mois de janvier. Il est sorti après que le groupe ait annoncé le fait de se séparer. Ils ont annoncé ça l'été dernier. C'est bien dommage parce que ça avait l'air l'album il est chouette et en live ça avait l'air pas mal aussi. Ah. Mais ils ont préféré se séparer pour des raisons personnelles et il y avait écrit en gros qu'ils préféraient préserver leur santé mentale. Donc voilà. Ils se foutaient un peu trop sur la gueule quoi, tu vois, bon. Ouais, je sais pas. C'est bon, non. Donc c'est voilà, et on écoute tout de suite Your Body My Gun de Slut Bomb. C'était bien, ça c'est bien aussi, Rajus. Ouais. C'est dommage qu'ils arrêtent, mais bon. Bah ouais, non, mais ça va faire plein d'autres groupes qui auront un peu le même genre. C'est vrai. Ouais, bah ouais, c'est ça qui est bien. C'est la sissiparité des groupes punk. Ouais. Oui, on va rester sur du punk. D'accord. À Limerick, j'ai découvert ça sur une. Compilation. Une compilation, ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. Une compilation The Limerick Voices. Ouais. Ça se trouve sur Bandcamp ? Non, là, c'est sur un autre truc rouge. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Et c'est 50 Feet Woman, et c'est When the Bomb Falls. Oh non, hein. Il y en a marre de la guerre. Hein. Ouais, ouais, non, c'est pour dire justement qu'il y en a marre. Ouais. Bon. C'est quoi 50 Feet Woman? Ouais. Ok. Bon, bah c'est comme tu veux. When the bomb falls. They think they've got the power. They C'était quoi le nom de la compile là? The Limerick Voices. Limerick, L-I-M-E-R-I-C-K. Et vous cherchez ça sur YouTube. Voices. Ouais, sinon ils ont un Bandcamp aussi à leur nom. Le, la... 50 Feet Woman. Ouais. Bon d'accord, on va chercher ça. C'est bien. Ouais. Et bien, quelque chose qui est bien aussi, c'est Plague Bomb qui vont jouer deux fois dans, la, dans le coin. Une première fois ce samedi au bout de nos rêves avec Mere Mortals que nous connaissons bien ici. Un jour, on va les faire jouer en live, ces gens. Ouais. Et il y aura aussi Clean Core Killer, un nouveau groupe qui fait du Stench Crust, un truc comme ça. Et je pense qu'il y a dedans, il y a un grand leader. Le plus jeune des grands leaders. Il me semble qu'il est dedans. bref, ça sera samedi au bout de nos rêves à tourner. Gouraram Croix, oui, bien sûr. Et puis ensuite, ils joueront en compagnie de Mere Mortals, Clint Corclear aussi, et de Cheswick. Normalement, il devait y avoir un autre groupe espagnol, mais qui ne peut pas venir. Enfin, ils sont désistés, donc à la place, vous avez Cheswick. Et ça sera au CCL ce dimanche. Le centre commercial, putain, le centre culturel, le centre commercial libertaire, je vais me faire tuer. et donc, c'est comme d'habitude, 20h30, prix libre pour ce concert Cheswick, Plague Bomb, Mere Mortals, Clean Core Killer. Voici donc dans l'ordre, tout d'abord un titre de Plague Bomb, Self-Indulgent Anthem, suivi d'un titre de Cheswick, Weekend Machos. Oui, mais comme je dis, faut savoir tourner des embuscades, sinon on est de la revue. Plague Bomb, ensuite Cheswick. C'était la petite dédicace à Ripoll, en dédicace au grand leader absent. Donc tout à l'heure Gaël, maintenant Ripoll. Coucou les gars. Voilà. Et c'est à moi. Oui, ouais. C'est à vous. moi, je vais encore passer du punk hardcore que j'ai trouvé sur No Punk in Catalan. Ça s'appelle, écoute. Les gens sortent des trucs bien, autant les passer ici. Oui, bah, tu as tout à fait raison. Ça s'appelle LFM. C'est un groupe qui vient du Texas. Et, Texas. Ils ont sorti un album qui s'appelle Learning Experience. C'est sorti ce mois-ci. Et LFM, ça veut dire Lakefront Manor. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Le oui. Lac devant le manoir, non, je sais pas. Je sais pas. Et j'ai choisi de passer le morceau qui s'appelle Out of Sight. Ça parle de l'égoïsme qu'ont certaines personnes qui ne regardent pas ce qui se passe dans le monde parce que ça les touche pas personnellement. Bah oui. Oui. Oui. Petite œillère, quoi. Donc on écoute tout de suite Out of Sight de LFM. Il fallait qu'il y ait un pas. Hein. Voilà. Bah ouais. C'est le premier, je pense, ce soir, non ? On dirait. Ouais, dirait-on. Eh bien, il en fallait un. C'était celui-là. Il reste 20h52 à l'antenne de campus en 6,6, encore moins de 8 minutes à écouter. Pion Galaxy Rockers numéro 422. Ensuite, vous passerez à d'autres hostilités. Pour l'instant, encore une petite annonce de concert. C'est samedi que passe au Pits Scrooge-Balg en compagnie des Gutter Saints. Scrooge-Balg, ils viennent de je sais pas trop où, aux Pays-Bas. Un endroit où on parle un dialecte qui s'apparente à un croisement d'allemand et de néerlandais. C'est pire. J'ai encore pire que tout. D'ailleurs, leur nom, c'est du truc là, du bas-saxon. Le titre qu'ils vont nous faire maintenant, c'est Koning van de N34. Vierenderter. Pardon. Et puis il y aura aussi Gutter Sense, où on retrouve d'anciens membres de deux, ça y est, j'avais regardé, j'ai oublié de le noter, de deux anciens groupes de Courtrai. Enfin bref, je le dirai le prochain coup, puis je repasserai un titre de Gutter Sense. Pour l'instant, voici Scrooge-Balg avec Koning van de N. Vierenderter. Ouais! Oh! ankle makes your fingers numb. You should get it over done. Hands in the lock, in the lock, in the lock. It's tied at the door, I'm at the door, King Mac. He slipped up off his tail and hay. Right on the back, my leg, my visit, hard to pull. Need to know, need to know, need to know. Yo yo, j'ai retrouvé les noms des groupes qui, une fois séparés, ont donné lieu à la formation de Guttersense. Dans Guttersense, il y a au moins un ancien de Empty Bottles. Et puis, il y a sinon, je pense, deux anciens de Freddy and the Vangrels. Donc, c'est vraiment le groupe pur courtraisien. Et en plus, c'est leur premier concert. C'est ce samedi au Pits, 10 euros l'entrée, avec Scrutbalg qu'on vient d'entendre. À l'instant avec Koning 22 N30 Cut, eh bien il va être temps de rendre l'antenne Cocaboom, vu que bah voilà, il va être 21h, c'est la fin de Pyongyang City Records 422. On va se dire au revoir, et pour une fois je vais pouvoir passer un titre presque en entier de Tanguy the Virgin, qui vont passer la capsule à Arras ce samedi en compagnie de Cobra Yard, qu'on a déjà passé sur cette antenne, et de Arsic Miller. Je sais pas ce que c'est. J'ai plus du noise de ça. Voici donc Tanguy the Virgin avec Imparfait. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour la 423e de PCR. On vous écoutait toutes les émissions de Radio Campus, dont dans une heure il y aura Nico avec B-Boy Bouillabaisse. Puis après il y aura plein d'autres trucs. Et puis on n'oublie pas. Ah, faut pas le dire. Moi, la parole. pas.